pour même à mon père. J'suis fourni par des chicanos, c'est dans ma cité, il paie des bolos. Chez Matrix, c'est pas des me arrêtent dans mon armoire, Ariel 9 mm. J'étais dans cet état d'esprit avant de me faire soulever. J'me suis retrouvé à Fleury, personne ne m'a mandaté. J'étais dans cet état d'esprit avant de me faire soulever. Et comme on dit, j'ai choisi de quitter la cité. Je quitte le bando. J'ai choisi de quitter la cité. Je quitte le bando. J'ai choisi de quitter la cité. Je quitte le bando. J'ai choisi de quitter la cité. Mais n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Mais n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Mais n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Shut up!